Chapitre 1, sous-chapitre 23 à 32, de Histoire curieuse et pittoresque, par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Mosia. Sous-chapitre 23, des fantômes. Nous avons déjà prononcé plusieurs fois le mot fantôme et celui des esprits ou revenants de mauvais augure, qui effrayait fort nos pères, quoiqu'ils sussent bien qu'on n'a aucunement peur des fantômes si l'on tient dans sa main de l'ortie avec du millefeuille. Les Juifs prétendent que le fantôme qui apparaît ne peut reconnaître la personne qu'il doit effrayer si elle a un voile sur le visage. Mais quand cette personne est coupable, ils prétendent, au rapport de Buxtorf, que Dieu fait tomber le masque afin que l'ombre puisse la voir et la mordre. On lit dans les chroniques de Saint-Dominique que les religieux trouvèrent un jour le réfectoire plein de moines décédés qui se disaient damnés. C'était Dieu, ou plutôt le supérieur, qui avait envoyé ces religieux morts pour exciter les religieux vivants à faire pénitence. On a vu souvent aussi des fantômes venir annoncer la mort. Un spectre se présenta pour cela aux noces du roi d'Écosse, Alexandre III, qui mourut peu après. Il y a mille exemples semblables. Un curé d'Italie montrait le diable à ceux de ses paysans qu'il ne pouvait dominer que par la crainte. Et ce diable tant redouté n'était qu'un savetier de village, affublé d'un costume infernal et engagé au silence par une récompense de 3 francs pour chaque séance. Ne pouvait-on pas de même faire annoncer la mort d'un personnage qu'on voulait ôter du monde, puisque dès lors le peuple était beaucoup moins frappé de le voir mourir qu'il ne l'eût été de le voir survivre à la prophétie. Camerarius rapporte néanmoins que, de son temps, on voyait souvent dans les églises des fantômes sans tête, qui ouvraient de grands yeux, vêtus en moines et en religieuses, assis dans les chaises des vrais moines et des nonnes qui devaient bientôt mourir. Un chevalier espagnol aimait une religieuse et en était aimé. Une nuit qu'il allait la voir, en traversant l'église du couvent dont il avait la clé, il vit quantité de cierges allumés et plusieurs prêtres qui lui étaient tous inconnus, occupés à célébrer l'office des morts autour d'un tombeau fort élevé. Il s'approcha de l'un d'eux et lui demanda pour qui on faisait le service. « Pour vous, lui dit le prêtre. » Tous les autres lui firent la même réponse. C'est pourquoi il sortit tout effrayé, remonta à cheval, s'en retourna à la maison et 2 chiens l'étranglèrent à sa porte. À qui a-t-il pu raconter son aventure s'il mourut avant de rentrer chez lui? Une dame voyageant seule dans une chaise de poste fut surprise par la nuit près d'un village où l'essieu de sa voiture s'était brisé. On était en automne, l'air était froid et pluvieux. Il n'y avait point d'auberge dans le village, on lui indiqua le château. Comme elle, on connaissait le maître, elle n'hésita pas à s'y rendre. Le concierge alla la recevoir et lui dit qu'ils avaient dans ce moment beaucoup de monde qui était venu célébrer une noce et qu'il allait informer le Seigneur de son arrivée. La fatigue, le désordre de sa toilette et le désir de continuer son voyage engagèrent la belle voyageuse à prier le concierge de ne point déranger son maître. Elle lui demanda seulement une chambre. Tout était occupé à l'exception d'une seule dans un coin écarté du château, qu'il n'osait lui proposer à cause de son délabrement, mais elle lui dit qu'elle s'en contenterait, pourvu qu'on lui fît un lit et un bon feu. Après qu'on eut fait ce qu'elle désirait, elle soupa légèrement et s'étant bien chauffée, elle se mit au lit. Elle commençait à s'endormir lorsqu'un bruit de chaîne et des sons lugubres la réveillèrent en sursaut. Le bruit approche, la porte s'ouvre, elle voit, à la clarté de son feu, entrer un fantôme d'un aspect effroyable. Il était couvert de lambeaux blanchâtres, sa figure pâle et maigrie, sa barbe longue et touffue, les chaînes qu'il portait autour du corps, tout annonçait un habitant de l'autre monde, tel du moins qu'on nous les représente. Le fantôme s'approche du feu, se couche auprès, tout de son long, se tourne de tous côtés, en gémissant, puis à un léger mouvement qu'il entend près du lit, il se relève promptement et s'en approche. Quelle Amazone eût bravé un tel adversaire? Quoique notre voyageuse ne manquât pas de courage, elle n'osa l'attendre, se glissa dans la ruelle du lit, et avec une agilité dont la frayeur rend capable les moins légères, elle se sauve en chemise à toutes jambes, enfile de longs et obscurs corridors, toujours poursuivie par le terrible fantôme, dont elle entend le frottement des chaînes contre la muraille. Elle aperçoit enfin une faible clarté, et reconnaissant la porte du concierge, elle y frappe et tombe évanouie sur le seuil. Il vient ouvrir, la fait transporter sur son lit, et lui prodigue tous les secours qui sont en son pouvoir. Elle ouvrit enfin les yeux et raconta ce qui lui était arrivé. « Hélas !» s'écria le concierge, « notre fou aura brisé sa chaîne et se sera échappé. » Ce fou était un parent du maître du château qu'on gardait depuis plusieurs années. Il avait effectivement profité de l'absence de ses gardiens, qui étaient allés à la noce, pour détacher ses chaînes, et le hasard avait conduit ses pas à la chambre de la voyageuse, qui en fut quitte pour une grande peur et n'éprouva aucun accident fâcheux de la désagréable visite qu'elle avait reçue. Sous-chapitre 24 Anecdote sur le retour des âmes. Saint Spiridion, évêque de Trémisonte en Égypte, avait une fille nommée Irène qui demeura vierge jusqu'à sa mort. Après son décès, un particulier vint réclamer un dépôt dont elle s'était chargée à l'insu de son père. Saint Spiridion était fort embarrassé et chercha partout et ne trouva rien. Enfin, il va au tombeau de sa fille et l'appelant par son nom, « Irène, plaît-il, mon père? Qu'as-tu fait du dépôt d'un tel? Vous le trouverez enterré à tel endroit. » Le saint y alla et trouva en effet le dépôt. Saint Martin de Tours, soupçonnant qu'on révérait à tort un prétendu martyr de son voisinage, lui enjoignit de ressusciter. Le mort sortit de sa tombe et avoua qu'il n'était qu'un brigand justement puni pour ses crimes et damné dans l'autre monde. Le parent d'un auteur contemporain qui vit encore et qui occupe dans le monde une position fort recommandable suivait les cours de l'école polytechnique alors que cette école fameuse, libre encore, ne se voyait pas changer en une caserne d'instruction. La personne dont nous parlons avait alors 18 ans. Mu, comme ses condisciples, par un insatiable amour de l'étude, il travaillait 15 heures par jour. Un soir, comme il venait de se mettre au lit, bien éveillé, les yeux ouverts, il voit, dans un angle de sa chambre de garçon, un homme assis, immobile sur une chaise. Son premier mouvement est d'interpeller l'étranger. Point de réponse. Il se lève, s'avance de son côté, veut le saisir par le bras, mais il n'étreint que le vide. Il se recouche et voit tout aussitôt l'homme revenu à sa place. Même manège que la première fois, même résultat. Alors l'élève de l'école polytechnique attrapa bien son fantôme. Avant de se remettre au lit pour la troisième fois, il éteignit sa lumière et le fantôme disparut dans l'obscurité. Jamais depuis, il n'en entendit parler. Mais l'auteur qui rapporte le fait, ainsi que beaucoup de ses amis, soutiennent que l'apparition ne peut être révoquée en doute. Valère Maxime, s'appuyant sur la grande autorité de Cicéron, raconte un songe ou apparition qui en vaut la peine. Deux amis voyageant ensemble arrivèrent à Mégare. L'un d'eux alla loger dans une hôtellerie et l'autre chez un mégarien de sa connaissance. Celui-ci, pendant la nuit, crut voir son compagnon de voyage qui le suppliait de venir à son secours, attendu que son hôte voulait le tuer. L'impression que lui fit ce rêve l'éveilla, mais il se rendormit aussitôt, persuadé que ce n'était qu'une vaine illusion. Quelques instants après, son ami lui apparut de nouveau, lui annonça que le crime était consommé et que son hôte, après l'avoir assassiné, avait caché son cadavre sous le fumier. Le mort le priait instamment de se rendre de grand matin à la porte de l'hôtellerie avant qu'on eût emporté son corps hors de la ville. Troublé de cette vision terrible, l'ami se leva, courut à l'hôtellerie, trouva un charretier prêt à emmener un chariot. Il lui demanda ce qu'il y avait dedans. Le charretier, effrayé, prit la fuite. Le mort fut retiré de dessous le fumier et le maître de l'hôtellerie, condamné au dernier supplice. Il y avait à Marseille, nous a raconté un Provençal, une femme extrêmement pieuse. Elle passait ses journées entières à l'église, et presque toutes les nuits, elle rêvait qu'elle était sous l'impression d'une métamorphose. Son rêve s'accomplit le jour même de sa mort. Elle fut changée en une lampe d'argent que l'on vit suspendue dans le cœur de l'église, où elle se livrait à ses dévotions. Ce récit ne manquait guère d'exciter quelque incrédulité, ce qui courroussait fort le Provençal. « Quand je dis que je l'ai vu, s'écriait-il alors, de mes yeux vus, Que diable, je ne l'invente pas, ce prodige. Il n'est pas jusqu'au philosophe à qui les aventures d'apparition n'aient été attribuées. Voici l'exemple d'Athénodore, philosophe stoïcien qui vivait du temps d'Auguste. On compte qu'il y avait à Athènes une fort belle maison où personne n'osait demeurer à cause d'un spectre qui s'y montrait la nuit. Le philosophe Athénodore, étant arrivé dans Athènes, vit la maison, ne s'effraya point de ce qu'on en disait et l'acheta. La première nuit qu'il y passa étant occupé à écrire, il entendit tout à coup un bruit de chaîne et aperçut en même temps un vieillard hideux chargé de fer qui s'approchait de lui à pas lents. Il continua d'écrire. Le spectre, l'appelant du doigt, lui fit signe de le suivre. Athénodore répondit à l'esprit par un autre signe qu'il le priait d'attendre et continua son travail. Mais le spectre fit retentir ses chaînes à ses oreilles et l'obséda tellement que le philosophe fatigué se détermina à suivre l'aventure. Il marcha donc avec le fantôme qui disparut dans un coin de la cour. Athénodore, étonné, arracha une poignée de gazon pour reconnaître le lieu, rentra dans sa chambre et le lendemain, il fit part au magistrat de ce qui lui était arrivé. On fouilla dans l'endroit indiqué, on trouva les os d'un cadavre avec des chaînes, on lui rendit publiquement les honneurs de la sépulture et dès ce moment, ajoute-t-on, la maison fut tranquille. Tite-Live raconte que le matin d'un jour où l'on représentait les grands jeux, un citoyen de Rome conduisit un de ses esclaves à travers le cirque, en le faisant battre de verges, ce qui divertit ce grand peuple romain. Les jeux commencèrent à la suite de cette parade, mais quelques jours après, Jupiter Capitolin apparut la nuit en songe à un homme du peuple nommé Atinius, et lui ordonna d'aller dire, de sa part, au consul, qu'il n'avait pas été content de celui qui menait la danse au dernier jeu et que l'on recommença la fête avec un autre danseur. Le Romain, à son réveil, craignit de se rendre ridicule en publiant ce songe et le lendemain, son fils, sans être malade, mourut subitement. La nuit suivante, Jupiter lui apparut de nouveau et lui demanda s'il se trouvait bien d'avoir méprisé l'ordre des dieux, ajoutant que s'il n'obéissait, il lui arriverait pis. Atinius, ne s'étant pas encore décidé à parler au magistrat, fut frappé d'une paralysie qui lui ôta l'usage de ses membres. Alors enfin, il se fit porter en chaise au Sénat et raconta tout ce qui s'était passé. Il n'eut pas plutôt fini son récit qu'il se leva, rendu à la santé. Toutes ces circonstances parurent miraculeuses. On comprit que le mauvais danseur était l'esclave battu. Le maître de cet infortuné fut recherché et puni. On ordonna aussi de nouveaux jeux, qui furent célébrés avec plus de pompe que les précédents, l'an de Rome 265. En allant dans les archives du merveilleux de l'Antiquité profane à l'Antiquité sacrée, nous trouvons le fait suivant rapporté par saint Clément d'Alexandrie. Un jeune Égyptien, dit le saint prélat, était convenu d'une certaine somme pour obtenir les faveurs d'une courtisane. Les conditions étaient acceptées de part et d'autre, et il ne s'agissait plus que de fixer le jour et l'heure du rendez-vous. Dans l'intervalle, le jeune homme rêva qu'il avait obtenu de la courtisane ce qu'il désirait et se trouva si satisfait qu'il ne voulut plus tenir l'engagement qu'il avait contracté avec elle. La courtisane le fit assigner et l'affaire fut portée devant le roi Bocchoris. Ce prince judicieux et sage décida que la courtisane serait payée comme elle avait servi au plaisir du jeune homme en imagination. Il ordonna donc à celui-ci de vider sa bourse au soleil, et s'adressant à la courtisane, il lui dit « Prenez l'ombre de cet or, elle vous appartient. » Sous-chapitre 25 Vision de Malebranche. En la rue Sainte-Geneviève, faubourg Saint-Marceau à Paris, chez un nommé Malebranche, le 11 décembre 1618, on entendit, dit la chronique, beaucoup de bruit, un heurtement de porte. Malebranche demanda qui c'était. Une voix faible et débile lui répond « Je suis ta femme morte depuis 5 ans. Je veux te parler pour te communiquer quelque chose qui te touche, pour ton salut, pour le bien de ton ménage. » Malebranche resta muet de stupeur. La femme reprit « Et quoi, ne sais-tu pas que je suis ta femme? C'est moi qui te parle. » et qui t'avertit de faire pénitence ou tu périras. » À ces mots, Malebranche s'évanouit. Après quelque intervalle, la voix reprit. « Ne te frappe donc pas, c'est ta femme qui parle. Elle est décédée depuis 5 ans, 3 mois et 10 jours. Elle t'avertit qu'elle est en quelque peine dont tu peux la tirer si tu l'as jamais aimée. Si tu vas à Saint-Cloud, prie-la pour elle et offre 5 chandelles. Tu l'allégeras beaucoup. » Il se rend donc à Saint-Cloud sous l'impression de cette apparition et fait l'offrande recommandée. Malebranche, de retour et pensant être en repos pour avoir satisfait aux prescriptions de sa femme, entend frapper à sa porte et demande qui c'était. C'était la même voix qui dit que son mari l'aimait et le priait de retourner à Saint-Cloud encore une fois, puis après qu'elle serait en repos. L'affaire s'ébruite dans Paris, on parle de supercherie diabolique. Cela ne laisse pas de continuer pourtant et, tous les matins, le marqueur entend frapper à la porte. Il fait le sourd. La voix insiste à plusieurs reprises et demande qui est au logis. Toujours point de réponse et toujours enouvellement de bruit. Enfin, la voix retentit comme d'un creux profond. « Je veux parler à mon mari. Vous qui êtes là, vous êtes sa seconde femme » et lui fait le sourd. « Je viens l'avertir qu'il a à se reconnaître et à faire pénitence, qu'il est surtout à se corriger de ses mauvaises habitudes, de ses blasphèmes habituels, à vivre en bon ménage avec toute sa famille, avec ses bons voisins et voisines, à ne pas tourmenter ses enfants, à ne point battre sa femme puisque Dieu a permis qu'il en ait une autre après moi. En outre, je lui recommande qu'au jour des rois, il fasse un grand gâteau et qu'il assemble tous ses voisins pour que chacun en ait une part, et qu'on me laisse la mienne parce que je leur avais promis une telle invitation que je n'ai pu réaliser à cause de ma mort. Après tout cela, je serai en repos. » Il y eut information, de par l'autorité ecclésiastique, pour vérifier le fait. On ne dit pas ce qu'il en est résulté. Toujours est-il qu'une grande affluence de gens se rendit à l'enquête. Sous-chapitre 26. Vision d'une procession prodigieuse. Voici ce qui est survenu près de Bellac. Les chroniques rapportent que, dans une plaine spacieuse, sans habitation, 3 hommes allant de compagnie aperçurent 3 hommes vêtus de noir, inconnus aux témoins, et tenant chacun une croix à la main. Après eux marchait une troupe composée de jeunes filles vêtues de longs manteaux de toile blanche, ayant les pieds et les jambes nus, portant sur leur tête des chapeaux de fleurs. À ces chapeaux pendaient par derrière, jusque sur les talons, de grandes bandes de toile d'argent, tenant à leur main gauche quelques rameaux et de la main droite comme un vase de faïence d'où sortait un peu de fumée. Après ces filles venait une dame habillée en deuil, vêtue d'une robe noire fort longue, traînant par derrière sur la terre. Cette robe était toute de cœur percé de flèches, ruisselant de larmes, respirant de flammes. Les cheveux de la dame étaient éparses sur ses habits. Elle tenait en sa main comme une branche de cèdre. Sous ce costume, elle cheminait toute triste. À sa suite s'avançaient 6 petits enfants, portant une longue robe de taffetas vert, parsemée de flammes, semblable à du satin blanc. Il avait de gros flambeaux allumés, leur tête était couverte de chapeaux de fleurs. Ceci n'est encore rien, car ensuite arrivait un très grand nombre de gens, tous vêtus de blanc et de noir. Ils marchaient tous 2 à 2, leur habillement représentait plus de joie et de plaisir que les 4 premiers rangs. Ils avaient aussi des chapeaux de fleurs sur leur tête et portaient à la main des bâtons blancs. Au milieu de la troupe figurait comme une déesse très richement vêtue, ayant sur sa tête une grande couronne de fleurs, ses bras étaient retroussés, elle tenait dans ses mains une belle et grande branche de cyprès remplie de petits écriteaux qui pendaient de tous côtés. Alentour de la déesse, il y avait comme des joueurs d'instruments qui toutefois n'exécutaient aucun air. À la fin de cette procession étaient 8 hommes, tout nus jusqu'à la ceinture, ayant le corps entièrement couvert de poils, leur barbe tombait jusqu'à la ceinture. Des peaux de chèvre couvraient le reste de leur corps. Ils tenaient en leurs mains de grosses masses et comme tout furieux et en colère, ils suivaient de loin la troupe. La date de cette apparition est le 15 avril 1620. Elle se renouvela 6 jours. Bien des gens graves de la contrée affirmaient l'avoir vue plusieurs fois. Une peste survint dans le pays. Sous-chapitre 27. Vision près du château de Lusignan, en Poitou. Le 22 juillet 1620 et pendant la nuit, il apparut entre le château de Lusignan et le parc, sur les bords de la rivière, deux hommes de feu, extrêmement puissants, armés de toutes pièces, dont le costume était tout enflammé. Ils avaient un glaive tout en feu d'une main, et tenaient de l'autre une lance toute flamboyante. De cette lance dégouttait du sang. Ces deux hommes, chargés de semblables défenses, se combattirent longtemps. À la fin, l'un d'eux fut blessé, et en tombant, il poussa un si horrible cri qu'il réveilla plusieurs habitants de la haute et basse ville et frappa la garnison d'étonnement, bien qu'elle fût sous les armes. Leur lutte finie, il survint une longue bouche de feu qui passa la rivière et pénétra dans le parc. Cette bouche était suivie de monstres de forme de singes. De pauvres gens qui étaient allés dans la forêt chercher du bois pour travailler rencontrèrent ce prodige. La frayeur qu'en ressentit l'un d'entre eux le fit mourir. Pendant que les soldats étaient montés sur les murailles de la ville pour voir ce spectacle, il passa sur eux une grande troupe d'oiseaux, les uns noirs, les autres blancs, jetant un cri hideux et épouvantable. Deux flambeaux précédaient ce groupe ailé, et une figure d'homme les suivait, contrefaisant le hibou. Il tardait aux soldats alarmés de voir paraître le jour pour rapporter la vision aux habitants de la ville. Sous-chapitre 28, Réflexion. Qu'on s'étonne de la vision du château de Lusignan, c'est très bien. Le premier livre des Maccabées ne parle-t-il pas d'un ange qui parut à la tête de l'armée d'Israël et combattit pour elle? Il est dit aussi dans le second livre des héros israélites que Judas Maccabée vit le grand prêtre Orias et le prophète Jérémie qui l'encourageaient. Jérémie lui-même, selon ce second livre, donna aux guerriers une épée pour la défense du peuple de Dieu. Pourquoi l'armée de Sennachérib, de 180 000 hommes, disparaît-elle en une nuit, sous la faux de l'ange exterminateur? Est-il possible que ce fait consigné dans la Bible, qu'une simple lecture eût démenti, si ce fait eût été une pure invention, soit passé dans le domaine de la tradition, accueilli comme une manifestation de la protection divine, sans subir l'affront du mensonge de la part d'aucun habitant de la Judée? Quel historien contemporain eût osé inscrire comme faux dans les annales du peuple de Dieu un fait de cette importance? On ne peut mentir ainsi à la face de la nation. Qui de nous voudrait nier la révolution de juillet? Il est donc évident qu'une puissance supérieure agit sur les destinées des peuples et des individus à la vue de tant de faits que renferme l'histoire. Sous-chapitre 29, Esprit du château d'Egmont. L'académicien Segret fait mention, dans ses remarques historiques, d'un esprit dont la conduite est singulière. Patrice avait suivi Gaston en Flandre. Il logea dans le château d'Egmont. L'heure du dîner étant venue, Patrice sortit de sa chambre, pour se rendre où l'on mangeait. Il s'arrêta en passant à la porte d'un officier de ses amis, fort honnête homme, pour le prendre avec lui. Il heurta assez fort, mais voyant que l'officier ne venait pas, il frappa une seconde fois et l'appela en même temps en lui demandant s'il ne venait point dîner. L'officier ne répondit pas. Patrice, ne doutant pas qu'il ne fût dans sa chambre parce que la clé était à la porte, ouvre et en entrant, il le voit assis près de sa table comme hors de lui-même. Il s'approche de fort près pour savoir de lui ce qu'il avait. L'officier, revenant à lui, dit « Vous ne serez pas moins frappé que je le suis. Si vous aviez vu comme moi ce livre que vous voyez en cet endroit-là, y passait tout seul et les feuillets se tournaient d'eux-mêmes sans que je visse autre chose. » C'était le livre de Cardan sur la subtilité. « Bon, lui dit Patrice, vous vous moquez. Vous aviez l'imagination remplie de ce que vous venez de lire. Vous vous êtes levé de votre place, vous avez mis vous-même le livre à l'endroit où il est, vous êtes revenu ensuite vous remettre en votre place et ne trouvant plus votre livre auprès de vous, vous avez cru qu'il était allé là tout seul. » « Ce que je vous dis est très vrai, dit l'officier, et pour marque que ce n'est pas une vision, c'est que la porte que voilà s'est ouverte et refermée, et c'est par là que l'esprit s'est retiré. » Patrice alla ouvrir cette porte qui était celle d'une galerie assez longue, au bout de laquelle il y avait une lourde chaise seulement. Ce meuble massif se branla, quitta sa place en venant vers lui, comme soutenu en l'air. Alors Patrice dit, « Monsieur le diable, les intérêts de Dieu à part, je suis bien votre serviteur, mais je vous prie de ne plus m'effrayer. » La chaise retourna aussitôt à sa place. Cela fit une si forte impression sur Patrice qu'il en devint dévot. Segret affirme que Patrice était incapable d'en imposer. Sous-chapitre 30 Esprit du Mont Cenis. Au commencement du XVIe siècle, dit un auteur dont nous ne nous rappelons pas le nom, deux marchands du Milanais se rendant à la foire de Lyon rencontrèrent sur le Mont Cenis, près du Pont du Diable, ainsi nommé à cause d'un vent continuel qui y souffle, un homme assez grand qui leur présenta une lettre et leur dit de s'en retourner et de rendre cette lettre à son frère Louis. Étonnés de cette commission, ils lui demandèrent qui il était. L'esprit répondit « Je suis Galeas Sforcia » et disparut. Les marchands retournèrent à Milan, d'où ils allèrent à Vigevano, où était alors le duc de Milan, et lui remirent la lettre. Pour cela, ils furent arrêtés, incarcérés et mis à la question. Cependant, comme ils persistaient dans leur dire, ils furent rendus à la liberté. Un conseiller du duc nommé Vincent Galeas prit la lettre écrite, pliée, cachetée comme en Italie, mais scellée d'un fil d'archal fort fin. Elle contenait ce qui suit. « Louis, Louis, prends garde à toi, les Français et les Vénitiens font une alliance ensemble contre toi, pour te ruiner, mais si tu me veux fournir 3000 pistoles, je tâcherai de calmer les esprits. Adieu. » La signature était « L'esprit de ton frère Galeas ». Chacun était surpris de cette aventure sur laquelle on se confondait en commentaires. La chose pourtant se trouva vraie, car avant la fin de l'année, le duc Louis fut pris par les Français et les Vénitiens, qui s'étant ligués contre lui, lui faisaient la guerre. Ils l'amenèrent captif en France où il mourut, dans sa prison. Sous-chapitre 31 Esprit à Lagny-sur-Marne. La chronique de Metz rapporte qu'en l'année 1330 arriva à Lagny-sur-Marne, à 6 lieues de Paris, l'apparition suivante. L'âme d'une bonne dame décédée revint à Lagny plusieurs fois et parla en présence de plus de 28 personnes à son père, à sa sœur, à sa fille, à son gendre et à ses autres amis, leur demandant intercession et surtout des messes, car elle disait que les messes qu'on disait pour les âmes les délivrent du purgatoire. Elle révélait 1000 choses cachées que personne ne savait hors Dieu. Elle parlait de bienfaits et se taisait sur le mal. Comme on appréhendait que ce fût un mauvais esprit, un religieux, qui était présent, lui lut l'évangile saint Jean, lui fit réciter des prières. Il demanda si un prêtre était dans l'assistance, pour aller chercher le Saint-Sacrement de l'autel. L'âme répondit que ce prêtre était au milieu de l'assemblée, ainsi que son père, à qui et à plusieurs autres, ce prêtre avait administré le mardi auparavant, jour de Noël, le Saint-Sacrement. Elle disait enfin que le jour des morts, 6075 personnes avaient été délivrées des tourments du purgatoire par les messes et prières faites pour ces morts. Ce fait fut longtemps une tradition populaire. Sous-chapitre 32 Esprit qui s'est fait entendre à Vérone. En 1325, Guy de Thorn, étant mort à Vérone, parla au bout de 8 jours à sa femme qui ne vit rien. Elle entendit simplement sa voix. Les voisins et les voisines entendirent la même voix. Cette femme en parla à l'autorité cléricale qui, voulant s'assurer de la vérité du fait, demanda au maire de la ville 200 hommes armés qui se partagèrent 4 à 4 tous les coins de la maison. Ils portaient avec eux, dans une boîte, le corps de Jésus-Christ. Ils commencèrent à réciter leur matine et les 7 psaumes. Après quoi le mort fit entendre sa voix et répondit à propos à plusieurs questions théologiques que lui fit le prieur des Dominicains. Il avoua qu'il était en purgatoire pour certains péchés qu'il avait commis et pour lesquels il n'avait point satisfait, et qu'il serait délivré 4 ans plus tôt à cause des messes qu'avait dites pour lui un pauvre prêtre de ses parents. On lui demanda comment il pouvait parler sans les organes nécessaires. Il répondit que tout esprit séparé du corps avait le pouvoir de se former dans l'air des instruments propres à prononcer des paroles. Il ajouta que le feu de l'enfer agit sur les esprits, non par sa force naturelle, mais par la puissance divine dont le feu est l'instrument. Le prieur des Dominicains revint dans la même maison, la veille de l'Épiphanie, et fit encore diverses questions à l'esprit, qui y répondit. Puis il cessa de parler et se retira comme un souffle qui passait au milieu des assistants. Fin du chapitre 1, sous-chapitre 23 à 32. Enregistré par Mouzia.